C'est moi, c'est un modèle à suivre. Lundi au jeudi, 7h à 9h, Assemblage Requis sur C'est Fou. Et allez voir assemblagerequis.com pour télécharger les balados de diffusion des émissions complètes. Si jamais vous en avez raté une cette semaine, là, chez Moniou, écoutez-la deux fois pour compenser pour l'avoir raté. OK?